3-9-4. Le Picsou donne les on. Oh. Urbain Benérique, ça. Écoute ça. Y'en a qui ça raconte, attraper leur femme. Moi je trouve ça infâme. Y'en a deux dans le sexe qui leur tapent sur les fesses en consommant de la tête. Attaché avec une laisse pour être pardonné. C'est direction le confesse à la messe. Moi je déteste les maîtresses et je tabasse la basse comme un as. Jamais à la masse. Et les fâches qui font des menaces. Une fois en face, ils se cachent. Ce serait bien qu'on me masse avec un gros joint de hache. Car je suis lasse qu'on ramasse des coups de hache. Chaque de nos liasses ou nos races. Car ce qui compte ici, c'est le cash. Pour y arriver, certains sont même restés. C'est quoi, c'est dans un sas, lors d'un casse, car ici, c'est peut-être pas les favelas, mais ça sort quand même le ramasse. Pour des histoires de pétasse, tout ça se passe sur la place, sans révolte finir dans un palace. Picsou, donne on et yo, qui te mettent à haut pour urbain lyrique. Son micro, on fait notre boulot, cracher des lyrics plus puissant qu'un flic, qui laisse pas d'indice, vu qu'on est trop vite, avec trop de vie. Picsou, donne on et yo, qui te mettent à haut pour urbain lyrique. On fait notre boulot, ce qui compte, c'est l'union, pour pas être des pions, pour rugir comme des lions. Mec, sois conscient qu'on parle toujours de tasse dont notre appart femme. En oubliant si t'es ces chiens de la casse qui frappent leur femme en présence ou pas des gosses. Et s'il y a une panne, eux-mêmes pourront finir en bas en négoce. Et ouais, négas, ne me casse pas, fais ta prière. Tu ne peux pas périr comme un monégas. Cas qui nous a dit parasité par les paparazzis. Comme ma vie parasite ou un zizi parasé. Parce que chez moi, les barrettes se vendent mieux que des baguettes. Où les tasses sont tadis de ascendiques. Comme des chômeurs en as qui nécessitent des ascédiques. Qui se font tourner comme des tarpés dans les quartiers ou dans les caves. C'est d'une grossièreté, même si le monde est grave. On a tiré sa fierté, t'es attiré par l'immoralité. Atterré par la mort à l'idée que l'amour est ridé. Enterré par le vice et la perversité. Dans un monde délabré où les pierres meurtriers dès le lendemain sont délivrés. Où le pire peut arriver, où ton cœur et ta vie peut chavirer en une virée. Avec le poids des mots ou le poids des morts. Picsou, donne les on et yo qui te mettent à haut pour urbain lyrique. Son micro, on fait notre boulot. Cracher des lyrics plus puissant qu'un flic qui laisse pas d'indice vu qu'on est trop vite avec trop de vie. Picsou, donne les on et yo qui te mettent à haut pour urbain lyrique. On fait notre boulot. Ce qui compte, c'est l'union pour pas être des pions, pour rugir comme des lions. Opérationnel sur le biche ni tout. A l'occasion, appelle-moi si t'as un emblème, j'ai la rime vaudou. Dans le rap, y'a ceux qui s'allongent et ceux qui restent debout. Moi, je fais partie de ceux qui t'allongent et qui te mettent à genoux. Je frappe comme un munchaku, dominant au BIC, je suis à bout. Lyrics aiguisés au MIC font des trous. Tout part où je bouge, tout part où je traîne, tout part où je quai, tout part en coup. Violence verbale à domicile, prendre 10 piches pour homicide. Criminel dans la rime, fumeur de rime, on prend tes oreilles en otage. Je m'introduis son à son qui tapasse, qui t'agresse comme la grâce. L'ambition rapporte l'oseille si t'as la rage. Bonne production, mixage, dérapage. Young Neon, fumeur de rime, on te manquage. L'union fait la force gros, alors ferme ta gueule et puis dégage. Picsou, donne les on et yo qui te mettent à haut pour urbain lyrique. Son micro, on fait notre boulot. Cracher des lyrics plus puissant qu'un flic qui laisse pas d'indice vu qu'on est trop vite avec trop de vie. Picsou, donne les on et yo qui te mettent à haut pour urbain lyrique. On fait notre boulot. Ce qui compte, c'est l'union pour pas être des pions, pour rugir comme des lions.